Alex MC, Shafia, Mourad Majoud, c'est parti. Aïe, laisse tomber Khalina, ou ma walou ya hadrou bina. Vas-y, vas-y, khouna, direction Barcelona. Déjà nous à Tara, on a Tara Tayara. Ou l'eau gâche qui vara, ou à la chupara. Nanana, c'est ça. Nanana, ok. Nanana, on y va. Nanana, hey. Moi je suis comme ça. Oh man.